comment il fait là? Sarkozy m'envoie la musique vocale, la musique vocale. Ok. Numéro 1 dans la vie, c'est la vérité si je mens, et ma parole est faite de ciment. Tu veux que j'enchaîne les rimes, va écouter rap bilan. Les MC percent en se rhabillant. Trop de faux cure, faut que je fasse le tri pour un gros cure. Aujourd'hui t'es trahi, fuck you. Y'a trop de faux amis, on sucera personne. Mais t'inquiète, je pardonne. Les vrais sont à mes côtés, en train de m'écouter. Les tiens sont ligotés, en train de se faire baiser. L'amitié s'est fait fourrir, t'inquiète pas, j'suis en plat place. Numéro 1, la classe. C'est vers la réussite que je trace. C'est dans une mer de ciment que je brasse. Ils essaient mais eux se noient. Laisse-les rêver d'être comme moi. Rien à foutre des lois. Charbonne comme un chinois. Il est sur l'instrumental. Il est sur l'instrumental. Il est sur l'instrumental. Il est sur l'instrumental. Il est sur l'instrumental. Top des bars sur l'instrumental. Top top top des bars sur l'instrumental. Top top top des bars sur l'instrumental. Il est sur l'instrumental. J'suis trop vrai, ils ont voulu m'analyser, mon flow est trop vrai. En espérant pas d'état, savoir de la bonté. Dans ce bas monde, les sentiments sont remplacés par des liasses de billets. J'ai trop d'inspiration, d'ambition, et si c'est vrai, j'lâcherai pas une goutte de transpiration. Hey, j'suis pas le gars, t'as une bonne réputation. Même au quartier débile, on compte même plus le nombre de fois où tu t'es fait déjà. Mes rimes sont Géchard, génération trop bécharge, j'en pensais ça. Est-ce une légende? La concurrence, laisse-la moi à mon égard, laisse tomber. Tu veux faire un futuring, tu n'es pas rentable. Ton flow irritable, ton crew instable. L'hostilité de mes semblables, c'est inévitable. Va y avoir des averses de rimes, un truc qui assassine. Les MCs des bêtes, j'en fais un fils qu'on appelle 10 de platine. Les MCs des bêtes, j'en fais un fils qu'on appelle 10 de platine.